Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 64. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 4 février 2007, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Danieli à Venise ou Carlton sur la croisette, tu es l'homme aux clés d'or, tu es suite Napoléon III pour 2300 boules, tu es Paris Hilton, tu es caviar et champagne, et tu es aussi... Le bagagiste va vous monter tout ça dans la chambre. D'ailleurs, c'est pas une chambre, j'en ai plus de chambre. On a été pris d'assaut par les gens du forum. Il me reste plus qu'une grande suite, au sixième. Quoi, une grande suite? Non, non, ça c'est pas question. Pour le même prix, madame. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es palace et tu pètes dans la soie, bien sûr. Alors, dans quelques semaines maintenant, les époux Chirac vont devoir, a priori, rendre les clés de leur suite présidentielle à l'Élysée Palace. Ainsi, à l'heure où les clients suivants sont pressés de s'y installer, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, d'explorer les couloirs feutrés et les chambres dorées des grands hôtels de luxe, autrement dit 5 étoiles, sinon rien. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle des palaces. Et pour commencer, de César Ritz à Lucien Barrière, il faut retracer les péripéties des palaces parisiens. Ensuite, nous nous pencherons quelques minutes sur l'univers fascinant d'un grand hôtel de luxe. On enchaînera d'ailleurs sur une petite surprise de Claude Pieplu, le chef concierge du palace, qui viendra te mettre en garde contre certaines pratiques à éviter lorsque tu pionces dans une suite royale. Et puis, dans la foulée, nous te révélerons en détail cette étrange rencontre dans un palace parisien mercredi soir entre François Bayrou et Paris Hilton, riche héritière de la célèbre chaîne hôtelière. Et enfin, te raconter ce qu'ont vécu Monique et Jean-Claude dans un fabuleux palace cette semaine, très loin de leurs habitudes quotidiennes, bien sûr. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien, et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et crions à tue-tête. Blue Hotel, c'est ce que chante en 1987 le crooner Chris Isaak. Parce qu'en effet, quand ta nuit dans un hôtel te coûte plus de 510 sacs, ben t'as le blues et tu Chris. Alors, cette semaine, le Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser à ses petits confrères, à savoir le Ritz, le Crillon, le George V et les autres. Oui, tu l'as compris l'ami, ce matin, on t'emmène au Palace. Un Palace, c'est l'hôtellerie de luxe poussée à l'extrême où la notion même d'établissement étoilé est totalement dépassée. Le confort moderne se mélange à la tradition la plus raffinée et la moindre exigence du client est immédiatement comblée par un personnel de haute volée. En un mot, au Palace. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les uns, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Luxe, calme et volupté, ainsi va l'univers des palaces. Le concept d'hôtel de luxe est relativement récent. En effet, avant la Révolution française, quand l'aristocratie décidait de traîner ses guêtres sur les routes de France, elle trouvait toujours le gîte dans le château d'un parent ou dans le manoir d'un allié. Et il valait mieux car l'hôtellerie à l'époque, c'était surtout puce dans le matelas et dortoir sinistre. En France, le premier à faire dans l'hôtel de luxe, c'est Augustin Meurice en 1817. Soucieux de bien accueillir les visiteurs anglais de retour à Paris, après la Révolution et le Premier Empire, Meurice ouvre un établissement dont les caractéristiques sont l'élégance et la qualité du service. Et oui, la création d'un palace est souvent le fruit de la volonté d'un homme, comme par exemple César Ritz. N'est-ce pas, madame ? Oui, le rêve si longtemps caressé par Ritz de fonder à Paris un hôtel modèle semblait sur le point de devenir réalité. L'immeuble voisin du ministère de la Justice, place Vendôme, venait d'être mis en vente. Ritz ne désirait pas créer un grand hôtel. Il voulait faire quelque chose de nouveau et d'original. Un hôtel qui serait le summum de l'élégance et réunirait tous les raffinements qu'un prince puisse souhaiter pour sa propre demeure. Il le rêvait petit, intime, sélect. Et pour en faire une œuvre d'art, il ne regardait pas à la dépense. César Ritz ne regarde pas à la dépense quand il fonde son palace Place Vendôme en 1898. Car à la fin du 19e siècle, le marché de l'hôtellerie de luxe est florissant. L'amélioration des transports et notamment du chemin de fer favorise l'essor du tourisme. Et pour l'hôtelier spécialisé dans le luxe, la concurrence devient rude pour attirer une clientèle fortunée dans son hall d'entrée gigantesque. Hall d'entrée gigantesque où la foule métissée se presse. Chambre, sa force énervée se disperse entre bagages et clés. La plupart des palaces-hôtels parisiens naissent ainsi au tout début du XXe siècle. En effet, la demande en piole de luxe est de plus en plus forte. C'est pourquoi Boussicaut, le fondateur du Bon Marché, fait construire en 1910 le Lutetia pour que ses clients richissimes trouvent hôtel à leur goût pour venir faire leurs emplettes à Paris. C'est la même motivation qui pousse la société des grands magasins à racheter Place de la Concorde, l'hôtel particulier de la famille Crillon, pour en faire un palace. De tous les hôtels, le Crillon est celui qui ressemble le moins à un hôtel. Je l'ai entendu traiter de ministère, de banque ou de musée. Et de fait, le plus en vue, le plus historique des hôtels est aussi le moins connu de l'œil du français et même du touriste moyen, qui cependant n'ignore plus que la place Louis XV, ou féminin Concorde, n'a pas d'égal dans le monde entier. C'est sans doute pour cette raison que le Crillon est devenu l'hôtel de l'incognito. On y est magnifiquement obscur. En effet, le palace a cette faculté incroyable d'accueillir des stars tout en conservant leur incognito. Et pourtant, aux heures sombres du XXe siècle, les palaces parisiens se vident de leur clientèle en renard argenté pour être occupés par des Allemands en vert de gris. Ainsi, le Ritz devient la résidence des hauts dirigeants nazis, l'hôtel Meurice, lui, devient le siège du commandant du Grosse Paris et le Lutetia abrite les services de renseignement allemands. Les palaces sont donc des lieux stratégiques lors de la libération de Paris en août 1944. Hemingway fait du bar du Ritz son QG de campagne et le Lutetia accueille les déportés à leur retour des camps. À Paris, des autobus conduisent les déportés jusqu'à l'hôtel Lutetia qui a été réquisitionné par les autorités. Les 500 chambres du palace accueillent les rescapés qui sont soignés et nourris. On me traîne jusqu'à l'hôtel et dans le hall de l'hôtel, il y avait des sortes de box, des sortes de petits bureaux. Et je rentre dans ce bureau. Vous avez été déporté avec quelqu'un ? Je dis oui, ma femme. Ah bon ? Vous vous appelez comment ? Goldstein. Ah oui, nous avons une Madame Goldstein qui est rentrée. C'est pas possible. Et dans le hall, je suis tombé sur ma femme. On s'est vu, des rires, des larmes, des pleurs, un encadrement de tous les gens qui étaient là d'ex-déportés ou des familles qui étaient là nous ont encadrés. Ça a été quelque chose d'inouï. C'est donc sur l'ordre de De Gaulle que le Lutetia accueille après la guerre les déportés de retour des camps. Pourquoi le Lutetia ? Peut-être parce que c'est dans ce palace justement que le général a passé sa nuit de noces en 1940, va savoir. Alors aujourd'hui, un septième palace a ouvert ses portes à Paris, le Fouquet's Barrière. Coco Chanel a vécu au Ritz pendant plus de 30 ans, le roi Alphonse XIII d'Espagne était un habitué du Meurice et Madonna, elle, descend au Crillon. Alors ce Fouquet's Lucien Barrière là, c'est quoi exactement comme palace ? Palace, la vie en première classe, palace, moi, et avec ce soir au palace, Pierre Arditi, Bruno Carrette, Jean Carmet, Christian Clavier, Eva Darlan, André Dusselier, Jacques François, Roger Hanin, Philippe Corsan, Valérie Lemercier, Jacqueline Maillan, Jed Marlon, Tony Marshall, Pierre Mondy, Les Nuls, Claude Pieplu, Daniel Prévost, René Saint-Cyr, Jacques Cérès et Jean-Yann. Ah ben oui, hein, monsieur Barrière, faut pas espérer ratisser la clientèle à particules dès l'ouverture. Car pour faire un palace, il faut bien sûr avoir un environnement prestigieux, il faut également déployer un luxe impressionnant, mais il faut surtout titiller l'imaginaire et faire rêver. Parce que le milliardaire américain, il est souvent blasé, et ce n'est pas facile de lui faire dire « Oh là là là, c'est magnifique !» When every night your loved one holds you tight, ooh la la la, say magnifica. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la, well it's so tragica. But when once more he whispers, C'est magnifique, chantait en 1960 l'américaine Kay Starr, une reprise sublime de la chanson de Luis Mariano, une vraie prise de Ritz pour la donzelle de l'Oklahoma, mais on est Palas ou on ne l'est pas. Alors maintenant, après avoir survolé les péripéties qui ont construit l'histoire des Palas parisiens, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palas, de nous intéresser quelques minutes à l'univers fascinant que peut offrir parfois un grand hôtel de luxe. Oui, mon ami, c'est quoi la vie dans un palais à 2000 boules la nuit ? Qui n'a pas le souvenir, devant la porte majestueuse d'un palace, d'avoir eu cette impression désagréable, de ne pas être certain d'avoir le droit d'y pénétrer ? Redoutant sans doute un vague sentiment d'humiliation sociale, en général, tu préfères renoncer au palace plutôt que d'entendre un truc du genre « Eh oh, le pauvre là !»« Oui, oui, toi, t'as rien à faire ici, tu dégages. T'as même pas de quoi te payer un café, pignouf. » Eh oui, on peut donc comprendre que bien souvent, la plupart d'entre nous hésitent avant de s'introduire dans le hall d'un grand hôtel. Résultat, les palaces demeurent encore aujourd'hui un espace clos et mystérieux où nous pensons que seuls ceux qui possèdent l'arrogance de la thune s'y sentent réellement chez eux. Et pourtant, dans un grand hôtel, il faut bien savoir que les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne le croit. Tiens, les manières du savoir-vivre, par exemple, ne sont pas si guindées, je te le promets. Hello les amis ! Beaucoup d'entre vous me demandent s'ils peuvent péter dans un palace. Ils redoutent le bruit, l'odeur et même le petit inconvénient qui consiste à chier carrément dans sa culotte quand on mesure mal les conséquences d'une poussée trop franche. Je vous rassure tout de suite, oui, on peut péter dans un palace. C'est même une distraction extrêmement prisée, à condition bien sûr de respecter les règles les plus élémentaires du savoir-vivre. Il faut agir au grand jour, sans se cacher, avec panache. Vous pouvez alors péter tout votre sou sans risque de passer pour un être vulgaire. C'est très exactement ce que l'on appelle péter dans la soie, l'une des spécialités les plus enviées du palace. Bonsoir. Eh ben tu vois, un palace finalement c'est comme chez Mémé. Avec du panache, tu peux lâcher une caisse dans le canapé. C'est cool, non ? Et attends, ce n'est pas tout. Dans un palace, tu peux te permettre un tas d'autres trucs. Et oui, forcément, parce que le personnel du palace, il doit se plier en quatre pour toi. C'est la règle. Donc, si tu veux quelque chose, eh ben, tu appelles le concierge. Un concierge se doit d'assister les gens pendant leur séjour, de répondre à toutes leurs demandes, à satisfaire toutes leurs requêtes, trouver des fleurs à 3h du matin pour les faire apporter à des personnalités, trouver des animaux, bien souvent. Il nous est arrivé une année de chercher les chiens de Gina Lollobrigida, qui est arrivé avec un panier avec une douzaine de chihuahuas. Ces chihuahuas, quand elle est arrivée, elle les a posés dans le hall, et bien entendu, ils se sont tous volatilisés, sans surveillance de personne. Et il a fallu déléguer une armada de chasseurs pour essayer de courir après ces animaux, que l'on a tous retrouvés d'ailleurs. Vous avez pas vu Mirza ? La la la la la. Franchement, vas-y, dis-moi, quel autre endroit accepterait aujourd'hui que tu te pointes avec 12 chihuahuas ? Ça, c'est classe, ça, c'est palace. Par ailleurs, dans un grand hôtel de luxe, tu es pris en charge en permanence, du lever au coucher. Mais bon, comme d'habitude, là aussi, certains clients abusent un peu quand même. Bon, et maintenant, si nous dormions ? Vous avez raison, Sibylle. Et puis, nous avons besoin d'être en forme demain pour notre tennis. Monsieur, combien de bises à madame pour lui souhaiter une bonne nuit ? Deux. Une sur le front et une sur la joue en lui disant « Bonne nuit, mon petit canard vert et bleu ». Bien, monsieur. Bonne nuit, mon petit canard vert et bleu. Et vous, madame ? Une seule bise et à demain, Hector. Bien, madame. À demain, Hector. Les palaces, nous les aimons aussi pour ça. Cela dit, attention, dans un palace, il n'y a pas que de vieux couples dont la libido est en berne. En berne, sinon quelle tristesse, me diras-tu. Heureusement, un grand hôtel digne de sa réputation peut également réserver de délicieuses surprises. Parle-en au garçon d'étage, par exemple, et là encore, je te jure qu'il t'avouera que dans les cuisines du room service, on entend de ces trucs. Ah non, la bonne femme aux sensibles, elle n'a pas froid aux yeux. Elle est sortie de la salle de bain avec toi à l'air. Elle m'a dit de poser le plateau sur elle. Moi, ça m'est déjà arrivé. La fille s'est pas dégonflée, elle m'a dit si vous voulez, on passe un petit moment ensemble. Oh, elle avait des seins, putain. Elle avait de beaux seins ? Oh là là là, elle avait des seins superbes. Et le reste ? Le reste ? J'ai vu sa chatte. Jean-Marc, il y a des dames, là, tu vas les gêner ? Je vais les gêner. Ah, t'es pas gêné avec sa chatte à l'air? Ça va, t'excites pas? Je m'excite pas. Tu sais, m'en faut un peu plus pour m'exciter. Room service, bonjour. Alors, après ces quelques révélations, tu te dis, tiens, je me suis peut-être trompé. Ils ont peut-être raison, un palace, ça peut être sympa. Certes, mais il faut faire attention. Car il arrive aussi qu'un palace soit très mal fréquenté. En gros, faut faire gaffe aux voyous, quoi. Planquer les bijoux, voilà les Ceausescu. Ça rime, mais c'est une exclamation en forme d'avertissement que Valéry Giscard d'Estaing aurait lancé en 1978 à la reine d'Angleterre, à Elisabeth II. De Londres, Bertrand Vanier. Planquer les bijoux, les Ceausescu vont tout piquer. Explication, le génie des Carpates était passé peu auparavant à Paris et avait dévalisé l'hôtel Marigny, résidence des hôtes officiels de la France. Tout était parti, les cendriers, les vases, les lampes, mais aussi les bibelots de décoration, les appliques et même la robinetterie de la salle de bain. Pour parfaire le spectacle de désolation, les services secrets roumains avaient fait des trous dans les murs à la recherche de micros. Dûment averti, la reine fit retirer tous les objets de valeur des appartements où devaient dormir les Ceausescu. Résultat, ils durent repartir les mains presque vides avec pour seul bagage supplémentaire un télescope et un fusil, cadeau de la famille royale. Et puis, toujours dans la catégorie Europe de l'Est, il y a d'autres pièges à cons à éviter dans un palace. Car grisés par le champagne et la luxure, certains d'entre nous pourraient très vite y engouffrer une fortune, si tu vois ce que je veux dire. Je cherche un millionnaire. Un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois, je cherche un millionnaire qui me dirait froidement tout ce que j'ai, c'est à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. Alors maintenant, pour être un peu plus complet sur l'univers joyeux d'un palace, il faut également te mettre en garde contre certains abus que tu pourrais regretter une fois installé dans ta suite royale. Le mieux, je crois, à ce propos, c'est d'écouter Claude Pieplu, chef concierge d'un palace loufoque et foutraque lui aussi, celui de Roland Topor et de Jean-Michel Ribes. On découvre ses conseils avisés, donc, juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Alors, ce soir, vous allez recommencer. En clair, vous avez l'intention, comme tous les autres soirs de la semaine à 19h12, d'exposer votre postérieur nu à la fenêtre de votre chambre. Inutile de nier, je vous ai repéré. J'ignore à quel mobile vous obéissez, peut-être de l'exhibitionnisme, mais je ne discute pas au palace, le client a tous les droits. Continuez si ça vous amuse, vous payez suffisamment cher pour qu'on ne vienne pas vous chercher des poux dans la tête. Mais avez-vous bien pesé tous les risques? De gros ennuis vous guettent, j'ai le devoir de vous prévenir. Je ne parle évidemment pas de l'attentat à la pudeur. Au palace, nous avons les idées larges et le bras suffisamment long pour que nos hôtes puissent en même temps montrer leur cul à la fenêtre si ça leur chante. Sans que quelqu'un dans cette ville ait un seul mot à dire. La menace vient d'ailleurs. Une nuée de photographes surveille en permanence le palace à l'affût des visages célèbres, des scandales mondains et des scoops concernant la dite société. Vos fesses ne leur ont pas échappé. Ils les ont mitraillées sous tous les angles et vendues à prix d'or aux magazines les plus réputés. C'est que votre cul est le sosie de beaucoup de monde et du beau monde qui plus est. Certains rédacteurs en chef ont cru de bonne foi qu'il s'agissait du visage d'un homme d'État autrichien. D'autres ont reconnu les traits d'un académicien français. Pour celui de Life, c'était la poitrine de Jane Birkin. Pour le directeur de l'Observateur, les omoplates de Margaret Thatcher. Bref, ils ont casqué. Mais ce soir, ils s'apercevront enfin de leur erreur et ils n'en seront pas contents. Vous pensez qu'ils vont faire une croix sur leur pognon? Vous les connaissez mal, ils vont tenter de rentabiliser leur investissement. Et quand vous montrerez votre derrière à la fenêtre ce soir à 19h12, ils vont tirer dessus. Il y aura du sang à la une, je vous le garantis. Une cible idéale, votre beau derrière s'étalera criblé de balles sur toutes les pages des journaux. À bon entendeur, salut. Body slam you to the ground. Messaging a chill. Curses make the head go round. Brings a certain. eyes, the jewel of a pearl, makes you whole and sane. Man is supposed to be low. Yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low. It's a sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on, going on for years. Body slam your partner down, up against the wall. It's a sad and scary scene with no grace at all. Man is supposed to be low. Yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low. It's supposed to be love, c'est ce que croit Miss Ayo sur son album intitulé Joyful. C'est supposé être l'amour, c'est aussi ce que tu crois lorsque le room service t'envoie une belle ukrainienne vers 3h du matin dans ta suite impériale. Alors, pour prolonger nos pérégrinations dominicales dans les couloirs calfeutrés des grands hôtels de luxe, il est temps maintenant, à 11h32, de te révéler cette drôle de rencontre qu'a faite François Bayrou mercredi dernier dans les salons d'un somptueux palace parisien. Après une dure journée de campagne présidentielle, François Bayrou a donc décidé mercredi dernier, en fin d'après-midi, vers 19h30, de réunir quelques-uns de ses lieutenants dans le confort tamisé d'un célèbre palace parisien. Il s'agissait de faire un point sur les derniers rebondissements de la campagne et d'affiner ainsi sa stratégie politique. Confortablement installée dans de sublimes Chesterfield en cuir, la petite équipe de l'UDF dégustait un verre de Bloody Mary, accompagné de mini croque-monsieur et de quelques olives truffées de poivrons. C'est palace, bien sûr. Quand, tout à coup, François Bayrou aperçut à la table d'à côté une jeune femme blonde, très attirante et très bien sapée, assise seule et fumant une cigarette. Immédiatement, Jean-Christophe Lagarde fit remarquer à Bayrou qu'il s'agissait de Paris Hilton, la riche héritière de la célèbre chaîne hôtelière. Fasciné par cette créature sensuelle, et surtout regonflé à bloc par les sondages qui le portent désormais à 12%, Bayrou décide alors d'approcher Paris Hilton pour tenter de la séduire. T'es en quelle classe? Parce que si tu veux, je suis ton amoureux, et je te défends si quelqu'un t'attaque. Alors, c'est bon ou pas? Tu m'aimes, s'il te plaît? Non, mais t'es gentil. Tiens, gamin, 10 euros pour tes bons becs. Ouais, des bons becs! Après cette veste monumentale, François Bayrou retourne donc s'asseoir à la table de l'UDF, tout en affirmant à ses lieutenants que Paris Hilton l'a reconnu, bien sûr, et lui a même souhaité qu'il devienne président de la République. Tu parles. Et puis, c'est à 22h que la petite équipe de l'UDF décide de quitter le bar de ce palace. Mais François Bayrou, lui, annonce qu'il va rester, car il a remarqué que Paris Hilton est toujours là, seul, les larmes aux yeux. Il prend rapidement congé de ses lieutenants et il retente sa chance auprès de Mademoiselle Hilton. Toute seule, si seule, pauvre petite fille riche. Tu pleures parce que tu n'as pas le droit d'épouser un pauvre garçon comme moi, pauvre petite fille riche. Paris Hilton observe alors François Bayrou et trouve ce garçon bien curieux. Elle lui propose de s'asseoir à sa table, lui offre un verre et lui raconte qu'elle est triste car elle s'interroge ce soir sur son existence. À 18 ans, j'étais déjà vedette, sans avoir fait aucun effort pour ça. À 35 ans, les records de recettes continuaient d'être battus par moi. Je n'avais rien à souhaiter en soi. somme, pourtant j'étais rongée par un désir. N'être qu'une débutante sans le moindre avenir, j'ai tout tenté pour le redevenir. Bayrou se dit que Paris Hilton a l'air bien désœuvré. C'est peut-être sa chance ce soir, se dit-il. À son tour donc, il lui offre quelques Bloody Mary supplémentaires et lové dans les Chesterfield, la conversation entre deux devient, comment dire, plus intime. Tu es la plus magnifique créature que j'ai jamais vue. C'est vrai, il n'y a pas une courbe de ton corps qui ne tienne pas ses promesses. Ben, je suis polymorphiquement perverse. C'est pas un défaut, c'est qu'une faiblesse. Polymorphiquement perverse, ça veut dire... Ça veut dire que chaque partie de mon corps peut me procurer du plaisir sexuel. Alors si je pour m'assurer que j'ai compris, si je touche ta main, que je la prends, que je la caresse, ça suffit à... Si je la caresse comme ça, Oh mon Dieu, ok, on va s'en aller. Je demande la note, je vais chercher le... Mets ton manteau et on va... Oh mon Dieu, je sais que j'ai beaucoup blasphémé, j'ai fait un tas de blagatés, que j'ai pas le droit de demander ça, mais ça n'était que son poignet. Bayrou est chaud bouillant. À 23h30 donc, il décide de prendre une piole dans cet hôtel de luxe. Cela dit, il fait très attention d'être discret en traversant le hall du palace. Il ne voudrait pas être pris en flag au bras d'une Barbie girl. Nos deux compères se dirigent donc vers l'ascenseur quand tout à coup, Paris Hilton se met à hurler. John ! Mais c'est dingue, John ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu sais quoi, T'es là, c'est hallucinant de te voir. Et tu vas rester combien de temps ? Oh, enfin, genre une semaine. Je transpire, c'est fou, j'ai oublié mon déodorant. Oh, John ! Mais au fait, sortons tous les trois, un de ces soirs, hein ? Ouais. Ouais, bonne idée. C'est toi qui appelle, d'accord ? Oh là, c'est qui ce John ? Se dit François. Décidément, il ne faut pas trop traîner par ici, il pourrait bien avoir des soucis avec les RG de Sarkozy. Mais une fois dans cette chambre cossue, entre Paris Hilton et François Bayrou, visiblement, l'ambiance monte très vite. Ma chatte s'endort sur le sofa, je t'allume une cigarette. Je te mets un doigt de vodka et te suis. Sur des mots tout bêtes. Un désir de tendresse t'habite dans la gorge. J'ai comme un nœud. Je sens bien ton trouble et très vite je baise ton front et tes yeux. Eh ben, a priori, les sondages à 12%, ça lui réussit plutôt bien, hein, François Bayrou. Il a la courbe ascendante. Il se dit qu'il n'en croit pas ses yeux. C'est dingue, c'est palace. Seulement voilà, après quelques préliminaires torrides, sans doute impressionnés, François doit affronter quelques difficultés. Je te l'assure, j'ai beau y faire, j'ai beau y croire, ça ne revient toujours pas et je ne sais pas ce qui se passe. Je t'assure que c'est une des premières fois où l'envie me lâche, mais ne fais donc pas cette tête-là. Tu vois bien que ce n'est pas de ta faute, c'était même parfait jusque-là. Mais à un moment, j'ai dû penser à un truc qu'il ne fallait pas, où c'est peut-être la chambre ou le lit, ou l'ambiance qui ne me convienne pas. Paris Hilton est folle furieuse de voir sa rencontre du soir se dissoudre aussi vite. Elle interroge François Bayrou. N'est-elle pas à son goût ? Est-ce qu'elle lui plaît vraiment ? Si vous me plaisez, là, en ce moment, ce que j'ai envie, c'est de vous mettre un pain dans la gueule. Si je le fais pas, c'est parce que je me retiens. Et en même temps, c'est jamais très bon de s'en tenir. Ah ! Voilà, là, ça va mieux. Vexé par sa petite défaillance et grand adepte de la claque, comme chacun sait, François Bayrou a immédiatement mis les choses au clair. Il se resserre une vodka et décide tout de même de passer la nuit dans ce palace à mater les chaînes câblées. À 5h, Paris s'éveille et François, lui, n'a toujours pas sommeil. C'est alors qu'ils appellent le room service pour partager au moins un petit déjeuner. Et à 7h, avant de quitter cette chambre cossue, François Bayrou jette alors un dernier regard à Paris Hilton et lui dit... On s'est aimé. Se quitte tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. C'est donc jeudi matin que les barons de l'UDF ont croisé François Bayrou, tous très curieux de savoir comment s'était terminée la soirée de leur candidat avec Paris Hilton. Ce à quoi François leur a répondu que... J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud, au café crème. Paris penché sur ses problèmes. J'ai vu Paris se déniaiser, Paris bistrot, Paris les potes. Paris redevenir Paris. Le staff de l'UDF fut très impressionné par les révélations sans équivoque de leur leader. C'est alors que, croyant lui faire plaisir, ils lui ont proposé d'aller tous ensemble à une fête jeudi soir chez Castel, donnée en l'honneur de Paris Hilton. Mais là, va savoir pourquoi, François leur a répondu que pour lui, la jet set, c'est terminé. Si c'est pour baisser la tête, jouer du baisement et des courbettes pour être invité à la fête, non merci, hein. S'il faut savoir baisser la tête, jouer du baisement et des courbettes pour être invité à la fête, pour avoir droit à sa coupette. S'il faut savoir cirer les pompes du commandant et de ses pontes, si c'est le match qui compte et les belles histoires qu'on raconte. Oublie-moi, s'il faut changer ce qui est moi. Oublie-moi. Oublie-moi, pour être accepté ici-bas, oublie-moi. Si pour pouvoir prendre ta main, je dois abandonner les miens. Si pour avoir droit à tes lèvres, je dois abandonner mes rêves. Si l'amour tel que tu l'attends ne se conjugue pas à plein temps. Oublie-moi, s'il faut changer ce qui est moi. Oublie-moi. Oublie-moi, pour être accepté ici-bas. Oublie-moi. Je veux pas rougir face au miroir, j'ai encore tant besoin d'y croire. Je peux pas trahir mes idéaux juste pour que chacun me trouve beau. Ma liberté n'a pas de prix, et si tout ça n'est pas compris, oublie-moi, s'il faut changer ce qui est moi. Oublie-moi. Oublie-moi, pour être accepté ici-bas. Oublie-moi. Oublie-moi. Oublie-moi, c'est ce que supplie Riquet, le chanteur du groupe Sens Emilia, sur un album solo intitulé Vivons. Et en effet, c'est un peu ce que les grooms dans les palaces aimeraient parfois dire aux clients trop exigeants. Hey, oublie-moi là. Alors, pour poursuivre notre séjour dans les palaces, il est grand temps maintenant, à 11h44, de retrouver nos deux héros au grand luxe, les 5 étoiles, Monique et Jean-Claude, qui ont passé cette semaine une nuit sous les lambris dorés et dans les draps de soie d'un palace parisien. Tout a commencé mercredi au dîner. Ce soir-là, après s'être raconté leur journée, la conversation de Monique et Jean-Claude a glissé sur l'actualité de la semaine, la moustache de José Bové et l'interdiction du tabac. Puis, Monique évoqua cette incroyable rumeur d'une relation secrète entre François Bayrou et Paris Hilton. Incroyable! C'est alors que le drame éclata. Alors qu'ils discouraient sur la préparation du 15 de France pour le match de rugby contre l'Italie, Jean-Claude eut cette phrase malheureuse. « Y'a pas à dire, pour les plaquages, les piliers français sont les meilleurs. » À ces mots, les yeux de Monique s'emplirent de larmes. Et oui, quand on parle de piliers, ça lui rappelle toujours Lady Di. Voir Monique malheureuse, il ne supporte pas ça, Jean-Claude. Alors direct, il lui a dit à Monique. « Je te propose un week-end à Paris, dans les rues pavées, brunch dans le marais, se marrer, tomber le masque à la Jim Carrey, comme des tarés, des pensées sans compter, Darjeeling, darling. » Oublie les Mac Morning, si t'as des feelings de shopping, exprime tout. Dans ton dressing room, ajoute un peu de foufou. Barbara pour les deux, foulard Hermès au cou, parfumé Jean Patou. Roux coulé sur les bateaux mouches, bisous, folie douce, lancer des coucous. Mordre la vie par les deux bouts, toi doudou et moi, gazou gazou, ça vaut le coup. ça vaut le coup, c'est sûr. Mais Monique s'inquiète, est-ce bien raisonnable de dépenser autant d'argent pour une seule nuit d'hôtel, aussi beau soit-il ? Mais pour Jean-Claude, rien n'est trop cher pour réaliser le rêve de Monique. C'est parti pour une nuit au Ritz à Paris. Monique et Jean-Claude se trouvent donc dans une suite au Ritz à Paris. Tout y est somptueux, meubles précieux, tissus rares et marbre de Carrare. Rien à redire, Jean-Claude, vautré sur le lit, feuillette les quotidiens mis à sa disposition pendant que Monique, elle, allume la télé. Et c'est l'heure des infos. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nicolas Sarkozy, 21h Sarkozy, avec un rôle inattendu pour Anthony Sarkozy, 1h15 dernier journal, Nicolas Sarkozy, 1h35 des mots de minuit, Nicolas Sarkozy, dès 6h30 télématin dans les 4 vérités, Nicolas Sarkozy recevra Nicolas Sarkozy. On se quitte sur ces images de Nicolas Sarkozy, avec les marmottes en prime. Sarkozy peut atteindre 11 mètres de haut par endroit. Très bonne soirée. Monique se dit que décidément, il est partout, ce Nicolas Sarkozy-là, jusque dans sa chambre au palace, merde. Alors quitte à être saoulée, Monique commande un Bloody Mary, le fameux cocktail inventé dans les lieux mêmes. Jean-Claude, quant à lui, il préfère rester simple. Moi, je prends de la Suze, avec ou sans eau. Oh, oh. Moi, je prends de la Suze, c'est mon apéro. Une fois la Suze et le Bloody Mary sifflés, la soirée de Monique et Jean-Claude s'oriente dans une langoureuse intimité favorisée par l'ambiance luxueuse de la suite au palace. La nuit se passe entre câlins et visites au minibar. Tout va pour le mieux jusqu'au passage d'une mouette au-dessus du Jean-Claude. Appelez-moi le directeur. Vous m'avez fait demander, monsieur. Ne croyez pas que j'ai quoi que ce soit contre les animaux, mais est-ce qu'il ne serait pas possible, dans un établissement aussi raffiné, aussi luxueux, aussi à ce prix-là, de ne pas se faire chier sur la gueule quand on lit du Chateaubriand. Monsieur connaît-il d'autres établissements où les ciels de lit sont de véritables ciels de lit ? Non, effectivement, non. Vous voyez, monsieur, mais que monsieur ne s'inquiète pas, ces petites bêtes volaient un peu bas, mais elles ne reviendront pas, c'était juste pour annoncer l'orage. Autre chose, monsieur ? Non, je vous remercie. C'est normal que l'orage Hilton au palace. Et en effet, la mouette ne revient pas de la nuit. Nos héros s'endorment donc dans la soie et le luxe. Le minibar est vide et pour Jean-Claude, le réveil est difficile. Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. Cette nuit dure toute la vie. Monique insiste, il faut que Jean-Claude se réveille, c'est l'heure du petit déjeuner. D'ailleurs, la femme de chambre vient de leur apporter leur plateau. C'est ça le petit déjeuner à 90 francs, on n'a même pas d'œufs. J'ai pas bouffé des œufs le matin. Oui, mais quand même, pour 90 francs, elle pourrait donner des œufs. C'est pas 90, c'est 60, madame. Mais même 60. Vous voulez que je vous apporte des œufs ? Ah oui, à l'hôtel, moi j'aime bien tout le tralala. Pas bouffer des œufs le matin. Je vais me gêner. Voulez-vous les comment au plat, coq, brouillé ? Au plat, pas trop cuit, pas trop baveux non plus. Très bien. Vous pouvez signer là, s'il vous plaît. Et en plus, il faut signer. Je suis désolée. Jean-Claude, cette histoire de Continental Breakfast ou d'American Breakfast, il n'y comprend rien. C'est bien un truc de Rupin, ça. Jean-Claude, lui, ce qu'il aime au petit déjeuner, c'est... Ah, Rupin. Après le petit déjeuner, pendant que Monique est sous la douche, Jean-Claude en profite pour jeter un coup d'œil sur les prospectus placés sur le bureau de sa suite. Tiens, il y a les tarifs du palace, dis donc. Quand il voit les prix, la réaction de Jean-Claude est immédiate. Je suis fauché, je suis fauché. Voilà ce que c'est que d'être un défauché. Je vous le dis, plus un radis, plus un pélo, plus un maravédi. Et en effet, la suite royale, le méga breakfast et le mini-bar vont coûter bonbon au Jean-Claude qui décide alors de jouer le tout pour le tout. S'il réussit à convaincre la direction du palace qu'une faute grave a été commise, leur nuit leur sera offerte. Alors, Jean-Claude, il fait appeler une nouvelle fois le directeur. Et où est-ce qu'il va le pognon, hein? Où est-ce qu'il... Faut bien savoir où est-ce qu'il va le pognon, hein? Dans ce savon de merde, là? Mais c'est un savon de Médoc qui pue, il pue votre savon, il pique les yeux, puis il donne des boutons. Ouais, je suis bien placé pour le savoir. Enfoiré, va. Et Jean-Claude refuse donc de raquer. Mais dans les palaces, les mauvais payeurs, ça ne fait pas peur. On est habitué aux clients parasites. Je ne vous approuve pas, mais je vous comprends. Au palace, le client a tous les droits. Vous pouvez faire chier le monde autant que vous le désirez toute la nuit. Je ne discute pas. Bien entendu, chez nous, vous n'avez pas à redouter la fureur de vos voisins. Aucun ne vous insultera. Ils sont trop bien élevés. Et personne ne beuglera. Ta gueule, les connards, on travaille, nous, demain. Le palace est très rigoureux sur la sélection de ses hôtes. Nous ne mélangeons jamais les torchons et les serviettes. Nous serons obligés, la mort dans l'âme, de vous virer. Et je vous garantis que vous ne trouverez pas un groom pour porter vos bagages, ni même vous ouvrir la porte. Nous n'aimons pas les pulls à sueur. Viens. Oh, oh. Hein? Allez, allez. Vous allez me refoutre, vos nipailleurs, allez hop. Monique et Jean-Claude se retrouvent donc dehors, place Vendôme, virés du Ritz. C'est sûr, c'est un peu violent, mais Jean-Claude est quand même content car il n'a pas payé la note. Pourtant, ce que Jean-Claude a oublié, c'est qu'en s'inscrivant sur le registre de l'hôtel, il avait donné son numéro de carte bleue, ce qui lui vaut un coup de fil dès le lendemain. Ah, monsieur Moluquet, vous allez bien? Non. Non. On m'a pas volé ma carte bleue, non? Ah bon, tant que ça? Oula. Oui. Ben écoutez, vous n'avez qu'à transférer mon PEL sur mon compte courant. Eh ben, allez-y, c'est pas grave. Dites-moi, le CEL, j'ai le droit? Ah ben, lui aussi. Ouais. Y a combien dessus? Ah, j'aurais dit plus. Voilà, la surprise de Jean-Claude à Monique leur a coûté toutes leurs économies. C'est con, ça. Il y a les impôts bientôt. Fin de l'histoire. Monique et Jean-Claude se sont ruinés pour une nuit dans un palace. Mais ce n'est pas grave, parce que pour Monique, ce soir-là, Jean-Claude, il a eu le panache d'un prince saoudien, un homme des sables, des plaines sans âge. Un homme des sables, des plaines sans âge, s'en va de son pays. Au-delà des des sables, des plaines sans âme. Salma, Ya Salama, chantait Dalida en 77, un tube qui a fait les belles nuits du palace de Fabrice Aymar, discothèque mythique du Paris qu'on aime. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre exploration au cœur de cet univers luxueux, calme et voluptueux que sont les merveilleux palaces. De Claude Rich dans les salons du Crillon, à François Bayrou dans l'intimité des Hilton, du Groom en rouge au Clé en or et de la nuit de noces de De Gaulle au Lutetia en 1921, à Jean-Claude et Monique virés du Ritz à coups de pompe, nous t'avons dressé un panorama subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que peuvent être les grands hôtels de luxe. Alors, c'est quoi exactement aujourd'hui un palace ? Eh bien, a priori, c'est un lieu encore chargé de tradition, d'élégance et de rêve. C'est aussi un personnel qui se doit d'être impeccable et irréprochable, toujours au service de sa clientèle. Seulement voilà, un palace, c'est également un lieu d'exclusion, de nantis et de pétasses, le tout dans une atmosphère souvent écœurante. Que faire alors pour profiter de ces endroits somptueux sans être complexé par l'arrogance et le mépris de l'argent? Le mieux sans doute, c'est de ne plus avoir peur d'y pénétrer, puis de déambuler dans le hall pour observer ce monde à part et faire peur aux riches, et pourquoi pas finalement prendre possession des lieux pour un café tout simplement, et se sentir libéré quelques instants de notre condition de salaud de pauvre. Enfin bon, quoi qu'il en soit, sache qu'ici, au Mangin Palace, tu seras bienvenu chez moi, bienvenue chez moi. Partager l'ivresse, les doutes, les peines et les joies. Bienvenue chez moi, tu seras bienvenu chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois. Bienvenue chez nous, c'était Florent Pagny. Ok, ce n'est pas très palace, mais bon, on a dit qu'on accueillait tout le monde ici, non ? Voilà, fin du 64e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié dans votre piole. C'était C'est quoi les palaces, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Foutrac et archiloufoque. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi Xavier, au platine, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr H2M, Henri-Marc Mutel, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Renan Mahé et d'Éric Morin, merci à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci aussi à Anne Delalande, notre nouvelle stagiaire. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter, après le flash vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve donc dimanche prochain en direct, mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. C'était une émission en direct, elle était un peu chaude, mais je crois que c'était pas inintéressant. Au revoir et merci.